de maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Dossé. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Dossé, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est parti. Coup d'envoi pour le Planet Rap en direct avec Dossé, comment va? Ça va très bien et toi? Bien. Ouais, coolax. Ça ressemble à quoi tes journées Dossé en ce moment? Beaucoup de boulot? Ouais, beaucoup de promos, après on va pas se plaindre hein. C'est toujours mieux que soulever des cartons. Tu surveilles un peu les ventes de Perestroïka? Ouais, même pas, t'as vu, je veux pas me mettre de stress dans la tête pour rien. C'est vrai. Ouais. Jette un petit coup d'œil, voir où. Non, même pas. Bon, ça se passe bien. Ouais, cool, ça va. Je te rassure, tout va bien. Au calme. C'est dans les bacs depuis lundi, on continue à le découvrir. 5000 exemplaires seulement en CD. Yes. En support physique, sinon autant d'exemplaires que vous voulez en digital. En digital. Il suffit d'aller cliquer. Ça s'appelle Perestroïka, c'est ce qu'on découvre cette semaine. Et c'est ce qu'on a pu aussi découvrir avec plein d'invités, plein de choses, plein de lives toute la semaine. On va revivre ça maintenant si tu veux bien dosser. Yes. C'est le replay carrément de la semaine. Toute la semaine, lourd. De toute la semaine. À écouter, ça dure 4-5 minutes maintenant sur Skyrock. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. C'est ta première semaine de Planet Rap. Ouais. Après un long parcours. Ouais, depuis le temps. Depuis un sacré moment. Il fallait. Hein. Depuis quoi? 2003-2004, les tout premiers. 2004, les toutes premières mixtapes qui sont arrivées. Exactement, première mixtape, première compile, etc. T-Max, Cabré, Kaira, lève ta canne B. Air Max, traqué. Sur vêtements, poche pleine de style. Et que je galère de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le DAS que de gagner au loto. Dans le bendo. Dossé, comment t'as trouvé ce parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la sortie de Perestroïka? Long? Trop long? Ouais, trop long, je pense que c'est jamais trop long en vrai, tu vois. L'important c'est qu'au final, t'y arrives, tu vois, c'est tout. Non, il a été long, il a été comme il est, tu vois. Il m'a formé. Ouais, c'est ça l'important, t'as vu, c'est ça le plus important. Y a pas d'échec, y'a que de l'expérience et des leçons, tu vois. Orlitz, roule avec les mecs d'Orlitz. Orlitz, roule avec les mecs d'Orlitz. Héros, marron, chocra, blanche. Héros, marron, chocra, blanche. Vie comme des mecs d'Orlitz. Crève comme des mecs d'Orlitz. Orlitz, roule avec les mecs d'Orlitz. Orlitz. Roule avec les mecs d'Orlitz. Héros, marron, chocra, blanche. Héros, marron, chocra, blanche. Vie comme des mecs d'Orlitz. Crève comme des mecs d'Orlitz. Un petit mot quand même sur le nom Perestroïka. Pourquoi tu l'as appelé Perestroïka? Parce que Orléans n'est pas près de Moscou hein. Pour ceux qui savent pas, ça signifie reconstruction en russe. C'est un petit parallèle que je voulais faire par rapport à ma carrière. Qui je l'estime est en reconstruction entre guillemets. Ah ouais, reconstruction carrément. Ouais, reconstruction, tu vois. C'est pas une évolution, c'est si, plus... après tu connais, c'est un terme fort pour un projet fort. Donc voilà. Et il vient d'arriver dans le studio Planet Rap, celui qui est présent aussi sur Perestroïka, monsieur Caris, ouais. Comment va? Très très bien. En forme? Ouais, en forme. Ah, tu m'as l'air en grande forme là. Oh, ouais, j'ai la pêche de ouf. À quelques jours de la sortie aussi du Bruit de mon âme hein, qui arrive. Ouais, mais là c'est dossé là. Bon, là c'est dossé. Il faut y aller à fond. Si, c'est du très très lourd. C'est le morceau, on a passé le morceau, vous ferez peut-être en live tout à l'heure, le Bouteille et Glock, ou on le repassera, on verra. Avec plaisir. On verra tout à l'heure. Et non, mais je voulais juste quand même dire un mot sur ton album qui arrive. C'est quand même attendu ce mois de mars. Le 30 mars. Et non, mais tu m'as l'air content en plus, bien sur ce deuxième album là. Je suis content. C'est vraiment en grande forme? Tout se passe comme prévu, je suis content. C'était toute cette semaine, en direct avec Dossé sur Skyrock. Levez les bouteilles et les Glock. Levez les bouteilles et les Glock. Levez les bouteilles et les Glock. Je suis dans le carré, je les fuck. Je suis dans le carré, je les fuck. Je suis dans le carré, je les fuck. Planet Rap. C'est le bruit de tes claquements de seuf qui nous fait office de caisse claire. Je suis celui que tu aimes détester. Je suis celui à qui elle aime plaire. Textile et Rital, le moteur est germanique. Faire du pif est vital, c'était au 16 mois nique. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. Je suis dans le carré, je les fuck. Je suis dans le carré, je les fuck. Je suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks. Je suis dans le carré, je les fuck. Planet Rap Dossé. Il y a Joke qui est là aussi avec nous ce soir entre 20 et 21. T'as quel jugement d'ailleurs sur des gens comme Joke, sur cette génération qui arrive un petit peu aussi après toi? Quand tu l'écoutes, quand tu vois ce qu'il fait, ouais. Je réponds pas comme l'autre, frère. Ah, tu sais, les hostilités sont ouvertes. Non, mais de toute façon, c'est simple. Hein, moi, je vais pas inviter sur mes projets un mec que je kiffe pas, un mec. Donc voilà, donc non, moi j'adhère totalement à Joke, tu vois. Moi je kiffe ce qu'il fait, je trouve qu'il ramène une couleur, il ramène une fraîcheur, il a un délire à lui. Et en plus je trouve qu'il a fait que s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc non, moi je kiffe, je valide en tout cas. Moi perso je valide, y'a pas de problème. Ok, Yuri, Durkra, Joki, Bourme, OG, le Pulcra, Mendoki. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu frappes plus le coup du patron. Tu frappes plus le coup du patron. Je m'appelle Kutarakli comme Obama. Je m'appelle Kutarakli comme Obama. Je m'appelle Kutarakli. Je m'appelle Kutarakli comme Obama. Obama, Obama, Obama. Je m'appelle Kutarakli comme Obama. Obama, Obama. Hey. Hurry, hurry. L'émission rap de référence. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Let's go. Ce soir. Planète Rap Dossé. 20h pile sur Skyrock Dossé. On a pu réécouter une partie de la semaine, évidemment. Tous les soirs, t'étais là entre 20 et 21 et ça continue. Ce soir. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a au programme Dossé? Ce soir, je suis venu avec deux invités à moi. Mm-hmm. Donc, il y a Bassirou, rappeur du 9-2. Rappeur du 9-2 qui est là, qui était passé cette semaine d'ailleurs. Ça va bien, Bassirou? Ouais, voilà. Ça va, et toi? Mais comme il y avait un petit peu de monde, on n'a pas pu bien discuter, tu vois. Mais vous, en plus, il y a autre chose qui vous lie en dehors du rap, c'est que vous êtes potes aussi depuis. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, de toute façon, je suis venu avec deux potes. C'est simple. Ouais, je suis venu avec deux potes. Avant le rap. Ouais, voilà. Enfin, non, pas d'avant le rap forcément, mais c'est devenu des potes au final, ouais. Tu vois. C'est devenu des potes au-delà du rap. Extra rap. Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc voilà, donc il y a Bassirou. Et puis il y a Rock Blood du 9-3 Saint-Denis. À ma droite. T'as bien Rock Blood? On est là. Eh bah bienvenue, on fait un petit CV Express pour chacun, pour Bassirou, pour Rock Blood. Ils vont se présenter. Qui commence? Bassirou, un petit mot? Ouais, vas-y, bah moi, originaire du 9-2, hein. La Défense, plutôt Nanterre. Voilà, et tout le secteur là. J'ai commencé le rap il y a pas mal de temps, mais on va dire que premier projet, je prouve volume 2, 2012, et puis 2014, la fin 2014, le EP Def Jam. Sur lequel j'ai invité Dossé. Qu'on peut toujours retrouver. Hein. Qu'on peut toujours trouver en digital. En digital, en téléchargement, ouais. Sur iTunes. Et voilà, je prépare un projet qui s'appelle Guerre Froide pour courant 2015. Donc courant 2015, Bassirou, voilà. Avec Guerre Froide. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc voilà pour Bassirou, Rock Blood. Ouais, moi, Rock Blood, rappeur du 93, Saint-Denis. J'ai commencé un peu dans la production, j'ai produit des artistes comme Commando, tout ça, tu vois, Commando Toxique, les petits frères d'Arsenic. Et donc là, j'ai fait mon premier EP qui est sorti il y a quelques mois là. Vrai. VRAI. Qui est encore disponible sur iTunes, ouais. Partout, tu vois, dans le truc. Et là, en même temps, on prépare la mixtape qui va arriver. Et j'ai collaboré justement aussi avec. Donc sur ta mixtape, il y aura un morceau. Un morceau sur moi avec Dos obligé. C'est le morceau qu'on doit passer ce soir? Non, le morceau qu'on va passer, c'est le morceau qui est extrait justement du projet dont il parle, VRAI, qui est disponible sur iTunes. Le morceau s'appelle Panamera. Et bon, on l'écoutera tout à l'heure. Yes. Entre 20 et 21, là, on va débuter avec le bendo. Yeah. Allez, écoute, on voit Planète Rap avec Dossé. Deux en blue, paire de Dita sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de ce pull. Mon bigot commence à me faire des faces chelou. Je crois bien qu'il est temps que je change de te puce. Elle-ci m'a pris pour son raclo, ça devient grave relou. On arrache pas de vieille, pas de ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de doco, quid, hache, caillou. Toutes sortes de bolos, bob, tout rond, noir, rebe, pas de jaloux. Je pense extra quand j'ai pas d'oseille. Je mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es mal, cabré. T'as calmé, Air Max, craqué. Sur bête poche, c'est juste un toute la night. Et j'fais l'art de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le DAS que de gagner au loto. Dans le bando. Bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Les incoums, téléphone du carpla. Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir c'est tous mes youvois sont de sortie. Bouteille à la blotaga même si personne tisse. Grégousse, belvé, trompé. Insolent, effronté. Même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves en schlagué. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaqué DG, Givenchy's et Balenciaga. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es ma cabré. Taïra, laisse ta calme. Air Max, craqué. Sur bête poche, plein de traîne toute la night. Et j'gueule de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Crois pas qu'on joue. Dans le bendo. Si j'traîne toute la night. Et j'gueule de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Dos c'est la famille. Joue DJ Core. Pas jaloux. Y'en aura pour tout le monde. Perez Boeka. Bendo à l'instant, signé Core pour la production de ce morceau. C'est un morceau qu'on retrouve sur Perestroïka. Yeah. Avec Dossé, notre invité ce soir. Il y a aussi Rock Blood qui est là. Il y a Bassirou. Tu veux dire un mot d'ailleurs sur les deux, hormis le côté rapologique? Bah écoute, humainement. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est des amis. C'est des amis et c'est des gens qui sont droits en amitié. Donc c'est pour ça que. Voilà, t'as vu que tu sais qu'on s'entend et qu'on se comprend. Tu vois, on peut avoir des amis dans le rap, c'est possible. Ouais, c'est possible, c'est possible, mais faut pas qu'il soit matrixé par le peur. C'est ça le délire, tu vois. Ça fait bien rire, Rock Blood, ce que je viens de dire. Bah ouais. Il faut avoir toujours du recul, tu vois. Ouais, on a le recul, on va dire, t'as vu, on se connaît bien, il y a toujours un bon feeling entre nous. De toute façon, à la base, moi je l'ai. Excuse-moi, poto. Ouais, moi j'ai connu Dos par rapport à son frère Pete, tu vois. Il avait un projet et tout auquel je devais participer. Et un jour, on a fait une petite réunion. C'est là que j'ai connu Dos. Après, il y a des conversations qu'on peut avoir hors du rap. Certains avis sur la vie en général qui font qu'après, voilà, comme quand on rencontre un poteau, quoi. Et après, voilà, on traîne ensemble plus ou moins. Quand il est sur Paris, il est là. Il vient dans le 9-2, les poteaux, ils l'accueillent, tout ça. Normal. Donc voilà, c'est la famille. Bah, Sirou qui parlait de ton frangin aussi, Pete Bacardi. Ouais, ouais. Il a un regard sur ce que tu fais ou du moins une oreille ou... Ouais, bien sûr. Il suit ce que je fais. Tu vois, on discute souvent et tout. Là, il est au bled. Donc on discute souvent et tout. Et voilà, t'as vu. On se tient un peu au courant de l'avancée de nos business à chacun, tu vois. Lui, il est au bled, il est dans la production. Moi, je suis là, je suis en train de... T'aimerais pas faire un morceau avec lui? Ah, c'est possible. Il n'y a rien de prévu pour l'instant, si? C'est possible, tout est possible. Ah, je vois un grand sourire, c'est peut-être, c'est peut-être déjà fait. Tout est très possible. Et ouais, donc voilà, non, mais si, bien sûr qu'il garde un regard sur tout ça. Pete Bacardi, évidemment, qu'on présente plus, qui a marqué cette histoire du secteur A avec des morceaux incroyables aussi. Ouais. Bon, toi, t'étais plus jeune à cette époque-là. Hein. Ouais, j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Beaucoup plus jeune, mais je suppose que tu suivais. Mais j'ai vu le droit, bien sûr. J'ai vu le truc. En plus, moi, t'as vu, mes potes, ils étaient fans et tout. Donc, ouais, non, si, bien sûr que je suivais, comme tout le monde. Dossé avec nous entre 20 et 21. Il y a du live de prévu ce soir, Dossé? Yes. Freestyle. Un petit freestyle. Freestyle de prévu. Histoire de mettre corde à mes gens. Freestyle par téléphone et le hashtag aussi Dossé sur Skyrock. Dossé sur Skyrock. N'hésitez pas à balancer des tweeter, bande de fous. Dites-nous un petit peu quels sont vos morceaux préférés de Perestroïka. Ah ouais, tiens. Morceaux qu'on peut passer aussi. Faites-nous le top 3. 41-759, balancez le top 3 avec le hashtag Dossé sur Skyrock. Là, on va mettre un morceau. Qu'est-ce qu'on met alors? Qu'est-ce qu'on avait dit? J'ai bien envie qu'on se mette l'outro. L'outro de Perestroïka qui s'appelle Dernier mot. C'est une sorte de long couplet sur une prod de Bone Collector. C'est très très crados. Donc les oreilles sensibles, éloignez-vous vite. Et les autres, bah t'as vu, voilà, accrochez-vous. Et les autres, accrochez-vous. Voici le morceau en effet qui conclut le projet Perestroïka. Yes. Ces derniers mots, Dossé. Voilà, c'est bon là. Ok. Joui. Ah. Tous c'est la famine. Ouais, Chouma. On dit quoi? suis venu, j'ai vu, j'ai acheté. J'ai pêché, j'ai nié, puis j'ai fui par l'acheter. Bande de fils de pute, arrêtez de jacter. Bande de fils de pute, arrêtez de jacter. Je les baisse tous, c'est assumé, acheté. Tous ces négros parlent, mais que savent-ils vraiment? Dieu est miséricordieux, flatté. Mais le jour du jugement, sera-t-il clément? Je ne suis né que pour accomplir tout ce pourquoi ces enculés me croyaient incapable. Plutôt vivre dans l'erreur que dans le regret. Mentalité de quartier, logique implacable. Je ne tendrai jamais l'autre joue. Ou t'es dominant, ou t'es dominé. Tu vois le monde tel que tu le veux. Moi, je le vois juste comme il est. Le rap n'est qu'un prolongement du quartier. Arrêtez de croire qu'on est venu changer le monde en musique. Je me dois d'avancer, masquer. Leur faire regretter de m'avoir enlevé mes chaînes et rendu visible. Fuck ces faux révolutionnaires de mes deux. Entre midi et deux, vous, toi, lui et eux. Oui, nigga, only God can judge me. Qui es-tu pour savoir qui est qui fait quoi, qui fait mieux? Je sais que ce monde part en couille. Depuis que l'eau est payante, on est tous le trou de balle de quelqu'un. Dans cette part tous géante, l'Afrique, le berceau de mes ancêtres et des tiens, ne s'apparente qu'à une vulgaire schneck béante. Où tout le monde, asiatique, caucasien, baisse son calot genou, prend son sexe et entre. Quel amour tu voudrais que j'aie pour mon prochain? Je ne pense qu'à récupérer nos gars. Le charbon, c'est ce que je fais de mieux. Ce qui arrive n'est que la volonté de Dieu. J'assume la totalité de mes choix. Revendique la totalité de mes droits. J'espère que leur trou ne va trop étroit. Car je veux y foutre la totalité de mes droits. Perestroika sur iTunes et dans les Fnac. Perestroika, la reconstruction. Hein? Ouais, Chouma, on l'a fait, mon vieux. Hein? Rebâtir des fondations sur un champ de ruines. Prochaine étape, Yuri. Dossier sur Skyrock, sur Twitter, je vous vois. C'est Dossé, notre invité toute la semaine et aussi pour cette dernière ce soir entre 20 et 21. Si, si. Ça conclut le projet, la mixtape. Voilà, c'est ça. Perestroika. C'est le dernier morceau de la mixtape, l'outro. Et ça annonce donc Yuri. Ça annonce Yuri, ouais, voilà. C'est la suite logique. C'est la suite logique. Ce sera donc l'album de Dossé. Et sachant que, pour l'été, pour faire patienter les gens encore pendant l'été, je vais encore balancer un truc. Un projet qui s'appelle Summer Crack 3. Ouais, c'est le troisième volume. Exactement, ça fait déjà une petite collection de Summer Crack. Ah, pas mal, hein, quand même. Pas mal. Trilogie et tout, au calme. Et donc voilà, c'est voilà histoire de d'enjailler mon public pendant l'été, qui se barre dans le sud ou en Espagne ou au Bled, avec ça dans leur iPod, dans ou en Norvège, hein, s'il y en a qui. Ou en Norvège, ouais, bah ouais, t'as vu. Norvège, en Finlande, on ouais. Sait jamais, hein, s'il y en a qui partent un peu partout. En vrai, ouais. Ou à Clermont-Ferrand, tu vois. Ouais, bah pourquoi pas. C'est possible aussi. Allez-y. Ce sera donc avant l'été, Summer Crack, hein. Yes. Qu'est-ce qu'il y a, ouais, si on parle un petit peu à venir, donc il y a Yuri qui se prépare, ça c'est l'album. Ouais, ouais, l'album. Summer Crack, c'est pratiquement fait, je suppose. Ouais, enfin c'est en tout cas c'est bien avancé, on va dire. Et c'est quoi le concept d'ailleurs, Summer Crack? C'est mixtape alors, aussi même. Ouais, même... voilà. En fait, Summer Crack, c'est un concept que j'avais lancé il y a déjà 2 piges. Et en fait, c'est un petit projet d'été parce que souvent l'été il se passe rien dans le rap. T'as vu, les gens en général, ils sortent pas trop leurs projets à cette période-là. Et moi, je me suis dit que ouais, pourquoi pas en vrai, tu vois, ce serait dommage. Donc et ça, tu le sors régulièrement l'été. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ah, pendant que Lordissa fait son arrivée. Voilà. Dit ça. Qui est resté sur l'horaire de ses l'homme qu'on attendait. Qui est resté sur l'horaire des Pete Bacardi de l'époque. Mais qui arrive tranquillement. Donc on va passer des morceaux d'ailleurs de... Ouais. On commencera par Kibasiro. On commencera par Panamera. Panamera, Rock Blood, ouais, avec Rock Blood. C'est le morceau que vous avez fait qui est sur ton projet, hein, c'est ça, ouais, sur le vrai, qui est déjà sorti, disponible sur iTunes partout. Donc ça, on pourra l'écouter dans un instant. On yes. En était aussi donc à Summer Crack sur ouais. Yuri, donc l'album qui arrivera d'ici la fin de l'année. T'en es où? T'as des dates à annoncer? On a dit qu'il y aurait peut-être quelques dates à annoncer aussi. Des dates à annoncer, là, j'en ai quelques-unes. En tout cas, j'ai les premières. Pour voir Dossé en live près de chez vous. Là, je te dis ça tout de suite. Pendant que je suis en train de regarder les messages, les gens demandent des morceaux. Voilà. Donc Perestroika Tour. Première date le 5 mai à Lille, à l'aéronef. Le 21 mai à Paris à la Maroquinerie, le 29 mai à Marseille à La Franchie et le 30 mai à Villeurbanne à l'Original Festival au Transborder. Donc voilà, et en plus tous les bails sont déjà en vente, donc allez-y, hein, Fnac.com ou je sais pas trop quoi, voilà quoi. Tapez sur net, vous trouverez. Ouais, vous trouvez Dossé Perestroika Tour. Et sinon on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos. Twitter. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Alors on met le morceau Panamera. Ouais, Panamera, ouais. Ça arrive dans quelques minutes sur Skyrock. Yes. Le retour de Planet Rap avec Dossé, notre invité. Vous aussi en freestyle, venez rapper dans l'émission. Inscrivez-vous pour faire tourner la roulette. C'est simple, hein, par SMS 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Ladies and gentlemen, Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planet Rap avec Dossé sur Skyrock. C'est Dossé, notre invité toute la semaine, ce soir encore entre 20 et 21. Le Planet Rap avec Perestroïka. Je rappelle qu'il y a 5000, seulement 5000. 5000 exemplaires. CD disponibles avec un petit écusson. Ouais, voilà un petit écusson qu'on. Tiens, Momo Zoom, Momo, regarde hop. L'écusson Perestroïka, pour ceux qui nous mettent sur l'appli. Ça, voilà, comme la demoiselle sur sa petite veste. Sur les sweats, sur les t-shirts. J'ai pas vu qu'il y avait un modèle qui le portait déjà. Zoomer. Momo, zoom derrière s'il te plaît. C'est derrière où ça se passe. Voilà. Donc c'est un petit écusson qu'on peut mettre partout. Ouais, ouais. Comme la jeune fille qui est là avec nous, le porte. Voilà, vous pouvez voir les images, c'est sur l'appli Skyrock FM également, pour voir tout le Planet Rap en intégralité en direct. Et on avait dit juste avant la pub, le morceau que tu as fait avec Rock Blood, Panamera, qui est aussi avec nous entre 20 et 21. Voilà. On le balance maintenant, Issa. Sur le EP vrai. C'est quand tu veux. Collection 93-45. Rock Blood, Orléans Saint-Denis. L'argent sale j'y prie, loin de l'ange Jibril. Et c'est triste ici, j'entends les larmes du Christ. Une rafale du si, encore un peur au café qu'on rapatrie Saint-Denis. Tellement de meurtre, la mort est comme un membre de la famille. Tonne, kilo, plaquette mentale de capot. Une barre sous la casquette, chez d'un te tire son chapeau. Goûte au crépuscule, t'aimes pas mes crépus. Mets-toi le doigt dans le cul et dis-moi si ça pue. Bien Gucci isé, Louis Vuitton isé, Armani isé. Négro faut des billets, billets, billets. Oui, négro faut briller, briller, briller. Trompe-moi, dis divorce avec la terre. J't'apporte d'une pompe, mon désoin alimentaire. Pompon sur ton terre-terre, j'te le redis. Pompon sur ton terre-terre, barbare gladiator. J'm'éclate ton feeling si la fille valait d'or. Mon pouce, l'escarte au fil. On aime les cuisses sucrées à se rendre diabétique. Faire sucer la bite dans la scadiétique. Yeah. Les dealers sont ravis, matos arrivé, bolos arrivé, le dîner est servi. Prêt pour la monnaie, tu veux des textes sur table d'un négro. Faut de la monnaie, tu veux la Porsche Panamera négro. Faut de la monnaie, mes braqueurs veulent de la monnaie. Mes dealers veulent de la monnaie, mes bitches veulent de la monnaie. Mes killers veulent de la monnaie, mes négros veulent de la monnaie. Mes rebeux veulent de la monnaie, mon 9-3 veulent de la monnaie. Poussé, veulent de la monnaie. J'ai grâce à Coquelicot. Que pour les gros billets, folie du taudis, brolique automatique, aphrodite, agro, UCIQ, V6, Audi, Iblis, maman, distel, le bif me motive. Écaille de poisson pour ce qui on s'allume. Amitié poison, sourire océanien, j'aurai le sommeil profond quand je serai dans la tombe. Au sommet du monde, sommeil du dragon, un œil mais faire un œil ouvert. Vécu des bafons, une main sur le corps, une main sur le revolver, ça se servait le plafond, ta sister dans mon lit. Pour de l'harmonie, Fendi Armani, Gucci en harmonie, toujours anti-tomie, automatique anatomie, longue autonomie, grosse automobile, on se fait force mobile, trop d'anesthésie, l'amnésia jusqu'à l'amnésie, les soucis de la tessie, direct anesthésie. Les dealers sont ravis, matos arrivé, bolos arrivé, le dîner est servi, prêt pour la monnaie, tu veux des textes sur table d'un négro, faut de la monnaie, tu veux la Porsche Panamera négro. Faut de la monnaie, mes braqueurs veulent de la monnaie, mes dealers veulent de la monnaie, mes bitches veulent de la monnaie, mes killers veulent de la monnaie, mes négros veulent de la monnaie, mes rebeux veulent de la monnaie, mon 9-3 veulent de la monnaie, poussière veulent de la monnaie. Nous ne sommes que de pauvres hommes, nous ne voulons que de grosses sommes. Sniff à meuche, frissonne, ouvre les beuges, petite conne. Gros t'as vu dans les peuples, pour que mes dollars puissent se palucher. Euro, livre, sterling, dollar, négro, bulbar, crâne rasé, capuché. Le train de trait 45 080 de que flip pourri, conflit raté, jalousie secrète, vite retardée. Qui ne prend pas de risque, ne prend pas de bif. Qui veut le succès vite, suce des buts. Nabu, la bouche des bzaises. Big, dans cette Dodo Space à taille. Coupé de la S pour un coupé S. Oui, c'est soir comme mes reins à taille. C'est le son des boxers. Guichet qu'à des cales sous le lit. J'suis vrai comme mon négro blouser. Lâche à ta katsuni. Mes braqueurs veulent de la monnaie. Mes dealers veulent de la monnaie. Mes piquis veulent de la monnaie. Mes killers veulent de la monnaie. Mes négros veulent de la monnaie. Mes rebeux veulent de la monnaie. Mon œuf froid veut de la monnaie. Boutzer veut de la monnaie. Le morceau qui s'appelle Panamera, qui est sorti donc sur le projet. Attends. C'est ça, Panamera. Voilà, Rock Blood qui est là aussi avec nous. Sur le projet de Blood, qui est, dans les, qui est sur iTunes plutôt. Voilà. Et qu'on peut trouver donc vrai, en téléchargement. Téléchargement légal. Voilà, c'est ça. Et sinon, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, partout, Facebook, Twitter, Instagram. @RockBlood93. On est là quoi. Rock Blood avec nous, on va balancer dans un instant un morceau de Bassi Roux qui est là aussi ton invité ce le soir. Score. Ah, le score. Le score dans quelques minutes. Juste avant, on présente Maxwell de Vigneux sur scène. Salut Maxwell. Ouais, salut Fred, bien quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille, on est là, pépèrement. Eh ben, on est bien, on est avec Dossé toute la semaine, ce soir encore. Ouais. Comme pote. Ouais, mon pote, big up pour le projet Perestroika. Dès qu'il est sorti, on a écouté sa salle, poteau. Non, merci mon gars, mais est-ce que tu l'as acheté? Non, il a écouté, il a dit qu'il a écouté. Ah, c'est bien, au moins t'as pas menti, t'as dit qu'il a écouté, c'est bien. Ah ouais, mon gars, t'inquiète, le tueur, Illuminati est à siège, t'inquiète. D'ailleurs, oui, j'ai fait un petit truc et il y a des mots-clés dans mon petit freestyle spécial pour le big up. Ah, bien vu, gros, bien vu. C'est freestyle a cappella en plus, Maxwell, je crois. Ouais, non, on va le faire avec le son tranquillement. Ah, t'as trouvé un son parce que tout à l'heure. Des billets, tout ça, tu vois. Eh ben, c'est parti. On y va, Maxwell, okay. Session freestyle par téléphone. ASMC, Black Cartel, musique, Dossé la famine, Omar Digno, PSG, Barça, Perestroika, 15 mots-clés dans le freestyle, négro. Maxwell MC, Maxwell MC. Maxwell MC. Yo. Tes négros prennent près l'Illuminati pendant que l'Afrique est en état siège. Mes Antillais se retrouvent sans fric à charbonner dans le dehors. Car la plongée dans la zermie veulent sortir les bouteilles et les blocs. Ton meilleur pote s'appelle Pablo, baisse le marché sans capotico. Là je le tape dans ton casier quand un homme shoot pour les euros. Coup du patron comme mon talent, tu fais tes jokes et sans le bandeau. Je rappe ma vie comme un boy scout, il faut que tu saches que le boy te fout. Artiste 22, je suis sur les deux coups. Ben j'ai pas fait un truc de ouf. Signé Def Jam, serait un truc de ouf. Je rappe sur scène à Stully, big up à Orleans. J'ai la dalle comme Yuri, négro. Mais qui aura le dernier mot, Perestroika? Mais qui aura le dernier mot, Dossé la famine? Mais qui aura le dernier mot, Maxwell MC? Mais qui aura le dernier mot? Yo, freestyle Planet Rap 2015, nigga. Maxwell Planet Rap 2015, nigga. Black Cartel, Balestel, c'est la frappe, nigga. ASMC, Black Cartel, musique, yo. Et bah voilà, ouais, fort, Maxwell. Maxwell qui a balancé quelques petits mots-clés, en effet, j'ai entendu. Bien représenté. Très très bien fait, gros. 15 mots-clés dans les chargeurs, mon frère. Si, merde, mon pote, bien vu. Maxwell, on peut te suivre où, toi, sur le net? Moi, on peut me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. D'ailleurs, je voulais dire, je suis bientôt sur scène au festival musical à Stully, près de Orleans, le 6 avril. Si. Et gros big up à Luca Toni avec le projet Wanted Project, Criminel S, Joss, Holkenry, tout ça, faut aller chercher ça, c'est dans les bacs négro. Tu vois, c'est du lourd, c'est de la D, c'est lourd. Merci. Et il y a mon EP en préparation, voilà quoi. Et ben merci à toi Maxwell à l'instant. Force à toi mon gars. Et juste je vais te tenir encore une dernière fois, tu vois, parce que c'est pas tout le temps que je passe. J'ai une soirée LA in Paris au Pan Piper le 21 mars 2015, négro. À samedi, c'est-à-dire demain. Ah bah c'est demain, ouais. Quinry, tout ça, voilà quoi. Et bah terrible, donc demain. Ok. Merci à toi. Gros big up à Dossé, mon frère. C'est mon pote. Frère. Force à toi. A bientôt Maxwell à l'instant freestyle sur Skyrock. On va balancer donc, on a dit, le morceau de Bassi Roux. Le score. Ouais, le score. Donc ouais, ça c'est sur le projet qu'on peut trouver en téléchargement. Ouais, c'est sur iTunes, c'est extrait du EP Def Jam que j'ai sorti fin octobre. Big up à Omar d'ailleurs, qui est pas là. Non, il s'est cassé au Canada celui-ci, là. Ouais, avec Joke. Ah, il s'est mis bien là, Montréal. Voilà, et donc j'ai invité le poteau Dossé. Dossé c'est quelqu'un qui a toujours donné la force depuis que. Voilà, c'est l'une des personnes dans le rap qui m'a le plus donné de force, clairement. Et donc voilà, c'était la suite logique, j'ai invité sur mon projet. On a fait franchement un morceau qui a plutôt bien tourné par rapport à mon échelle à moi. Et gros morceau, voilà. C'est celui qu'on va mettre maintenant. Voilà, c'est ça. Leur dis ça quand tu veux. Bassi Roux. 9-2-9-2-9-2-9-2. Issa. Mon négro Fahrenheit. Neuf, deux, 45. La Bongueo. Boubou des papes. MKT Max. Bibut. Quelle grosse tête du rap game vais-je donc devoir clasher pour faire peser ce track. Lequel d'entre eux faut que je m'amène pour prouver au Yankee qui est la pute qui est le Mac. Mon esprit est connecté. Qui dit gros Nesby dit gros Nesby. Tu sais ce qu'est l'instinct de survie. Ego, pas là pour jouer mais pour becter. J'ai les yeux couleur feu. L'épiderme couleur d'œil. Donnez-moi tout l'or que je veux ainsi qu'à chacun de mes footers gueules. Parti parmi les fleurs glisses. Ego, les épreuves de la vie me meurtrissent. Oh là, ils sonnent, mais comme Paquette, Richard, die trying comme Curtis. 45 jours, sort de la planque. J'roule en direction de la banque. Les négros veulent me shooter, prendre la direction de la banque. J'répète, Yuri, sort de la planque. J'roule en direction de la banque. Les négros veulent me shooter, prendre la direction de la banque. Arrogant, violent et vulgaire. J'mérite chaque euro que j'fais rentrer. Félicite-nous si nos affaires prospèrent. Ou fais-toi sucer par ta grand-mère, les dentées. J'représente les types de ma trempe. J'veux que la concurrence trempe. C'est leur place que j'viens prendre avant de finir au sol. Un trou dans la trempe. Trempe. Yuri. Hustle. Yuri. Hustle. La vie cogne, on cogne la vie. Et la mort donne le score. La vie cogne. On est la monnaie dans nos esprits. Nos esprits dans la monnaie. La vie nous pèse, on pèse la vie. Et elle en veut encore. La vie nous cogne, on cogne la vie. Et la mort donne le score. La mort donne le score. La mort donne le score. La vie nous cogne, on cogne la vie. Et la mort donne le score. La mort donne le score. La mort donne le score. La vie nous cogne, on cogne la vie. Et la mort donne le score. Prouesse à Nanterre, on pense à toi à force. Dubaï au Beaumet, force, force, force mon négro. 9-2, on est avec toi. Pas de feuilles, Darbo, hein, Obama force. J'finirai peut-être tellement pauvre, ça sera pris à payer pour m'être jamais laissé péter le fion. J'finirai peut-être tellement riche qu'on dira que mes ancêtres ont donné vie aux priorités de Sion. Aucun barrage, aucun radar, je ne fais l'objet d'aucune détection. Mon Renoir, le bâtard qui bloque mes projets n'existe pas comme la perfection. Mon Renoir, trop trop lourd pour qu'il l'admette. Trop trop vif pour qu'il nous la mette. Pas de meuf pourrie au refrain de mon mallette, non. Amenez-moi qu'elle a sa mette. La dalle est si grande que Nino, mère, Nino, meuf, ni les keufs ne la comprennent. Oh dog featuring Nino Brown, nouvelle guerre, nouveau phénomène. Comment ton certitude peut ressortir d'un un choix de parcours aussi risqué. Comment ton écriture peut ressortir de la bouche d'un mec aussi chismé. Zirou, Russell, Yuri, Orleans, on nous la mer pour la somme promise. Je vais faire un go fast avec une 205. Je vais partir en guerre avec un 635. Je regarde le monde tourner sans moi, sans moi. Des flaques de sang pour des liasses de sang. Le seum a toujours vécu en moi, en moi. Rime de feu, propos indécent. Gros gifle dans le cou. Je frappe dans tout ça en attendant le sort qui me guette. Rendez-nous l'or, Kankou Moussa. Sortie de tombe pour gifler Bill Gates. Yuri Hustle. Yuri Hustle. La vie cogne, on cogne la vie. Et la mort donne le score. La vie cogne, on cogne la vie. Et la mort donne le score. Sûr de nous, on rôde la nuit. Ils savent bien qui on est. La monnaie dans nos esprits. Nos esprits dans la monnaie. La vie nous baise, on baise la vie. Et elle en veut encore. La vie nous cogne, on cogne la vie. La mort donne le score. La mort donne le score. La mort donne le score. La vie nous cogne, on cogne la vie. La mort donne le score. La mort donne le score. La mort donne le score. La vie nous cogne, on cogne la vie. La mort donne le score. Lorieux 9-2, plutôt rond-point des bergères, les Pablo, les Damad, Hassan, je te vois. Dooms, Fianso. Les bancs. La Bongueo. Bassirou, à l'instant, le score qu'on retrouve sur ton projet. Hein. Yeah. 9-2, on est là ou quoi? En télé. J'ai l'impression. Hey, faites du bruit pour Dossé là, faites un gros bruit pour Dossé là. C'est vrai que nous sommes nombreux, Bassirou, tu as raison de le faire remarquer dans le Planète Rap. Pour conclure cette semaine, et ce morceau, on le retrouve, je disais, sur ton projet hein, en digital. Ouais, EP7 titre, toujours disponible sur iTunes. Il y a aussi le EP du poteau Blood qui est là, vrai, gros son, vrai rap, comme il porte son nom. Saint-Denis, Nanterre 45, plutôt 9-2, on est ensemble. Il y a la Bongo qui arrive. Benef qui est en ligne. Hein, lourd. Et voilà. Bassirou avec nous. On va laisser la parole à Dossé. En live maintenant, Dossé? Oh, c'est maintenant en live? Bah, on attaque. Ah ouais, comme ça, direct. Pourquoi t'étais pas chaud, là? Ah, bim bam boum, la chatte au McDoom. Voilà. Écoute, c'est une très jolie expression, je vais la garder et mettre de côté celle-là. Et je la ressortirai. C'est-tu pas? C'est parti. Ah oui. L'ordi, ça est pas aussi. Balance-moi cette chut. Oui, on voit ça. Yeah. Yeah. Un, deux, c'est la famine. Péré, strouille, ka, crier. Péré, strouille, ka, yeah. Péré, strouille, ka, crier. Péré, strouille, ka. Un, deux, c'est la famine. 45 heures, l'île. Péré, strouille, ka. Péré, strouille, ka. Yeah. Yeah. Un. Ils ne sont bons qu'à lécher des prépuces, boire des litrons de me spère à pleine gorgée. Fantasmer sur des rumeurs, des fausses réputes. Je reste dans mon secteur parmi mes écorchés. J'ai du vécu mais je n'en fais pas des caisses. Igo j'aime le cul mais je vais pas te faire les fesses. Je suis un nègre loyal, un aigle royal. Je connais deux trois de tes dents toutes les tesses. Qu'est-ce que tu veux que je rappe à part ma propre vie? Je fais mes bails, le reste m'en bat les reins. Tiens, petits ont rentré de l'école du vice. Manhattan Square appartenait encore aux Amérindiens. La plupart d'entre eux sont des clowns. Les meilleurs d'entre eux sont mes clones. Je rappe comme si j'avais un genou. Pourtant c'est la paix intérieure que je prône. J'ai yeah, comme dit mon négro Peperos. Je survole le rap comme un drone. Y'a ceux qui la vivent, ceux qui jouent un rôle. Péruvienne, colombienne, j'ai plein d'arômes. Pareil que j'ai coulé depuis que j'ai signé. Que je suis passé de l'autre côté. Que je fais que des refrains auto-tunés. Que je fais que me la péter depuis que je suis coté. Laquelle de vos darons ai-je donc chicoté? Je voudrais bien qu'on m'explique un jour tout ce seum. À t'écouter on croirait que je t'ai volé. Va te faire enculer, je me suis fait tout seul. Parce que tout seul, casse des dents le nard. A flot des nadjo, père casse des dents Ouma. C'est bien ce bruit de canon qu'ils appellent mon flow. Clique, pas, et le coup bas. Danser la famille, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est à moi qu'elle pense quand tu baisses ta belle. Chaque jour que Dieu veille, Yuri se réveille. Avec un peu plus de haine que la veille. J'ai fait des mixtapes, j'ai fait un me fil. Igo, je demande pas à être oscarisé. Mais reconnaissez que le négro dose bosse. Pendant que vos mères pratiquent des rapports tarifés. 4-5 c'est de la barre, j't'ai dit que j'arrivais. 4-5 c'est de la barre, j't'ai dit que j'arrivais. J'ai mes distances avec tous ces traits. Faux amis, je veux rouler qu'avec des frères. Qu'avec mes frères, j'ai donné de la force. Mais l'homme est ingrat. Prends-lui la main, il t'arrache le bras. Aide le 100 fois, ne le fais pas une fois. Je peux dire que ce n'est que celle-ci qui se souviendra. Dans mon parcours, des hauts, des bas. Je rappe pour mes rebeux, mes négros, mes babs. Où tu adhères, où t'appuies sur éjecte. Y'a air, le reste n'est qu'un faux débat. Les classes de sucre sur mon dos. On trop les partages, on va régler. T'iras jusqu'à faire des prières en latin pour qu'on t'épargne. Pendant que tu te fais remplir le huc, moi je remplis mon compte épargne. Et quand je repars de zéro, comme si tout ce que j'avais fait avant ne comptait pas. J'ai vendu plus de drogue que je n'ai vendu de CD. Je me donne toute l'année 2015 pour essayer d'inverser la tendance. Je crois que la braguette va céder. C'est vos cris quand je vais vous rouler dessus que je mettrai dans mes sons en guise d'ambiance. Donc c'est la famine. Péré, strouille, ka. Péré, strouille, ka. J'ai péré, strouille, ka. Crié, péré, strouille, ka. Péré, strouille, ka. Crié, péré, strouille, ka. Péré, strouille, ka. Crié, péré, strouille, ka. 45 Orleans. En direct de Skyrock. Jamel Ruiz. Ouais, Floden, ah, ouais, Wachouma, Wach Karim, la femme ou quoi? Ouais, tu sais, le père ou quoi? Ouais, Farida, ouais, Toumani, frérot, la femme ou quoi? Si, si, mon gars, eh, big up à mes gars qui sont venus. 9-2, Passirou, la Bangueo, 9-3, Blue, Saint-Denis, SFC, la santé, Perez Trouika, va le chercher, on vient le chercher. Je voudrais juste dire un truc. Bessier, Guélel, tout ça, on se jette. Je voudrais juste dire un que truc. Calme, calme, calme. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, Dossé, en live à l'instant. Je voudrais dire un que truc. C'est le bordel dans le studio, frère. Vas-y, vas-y, on t'écoute deux secondes. Non, voilà, non. Non, je voulais juste dire un petit truc, en fait. Voilà, t'as vu, c'est en fait un gros remerciement, un gros big up à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. T'as vu, les gens qui m'ont connu depuis l'époque de Bolide, ceux qui m'ont connu après Autopsie, ceux qui m'ont connu sur Summer Crack, ceux qui m'ont connu là sur le coup du patron. T'as vu, voilà, big up à tous ceux qui me suivent. Grand merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, t'as vu, à ce que je sois ce que je suis, tout simplement, tu vois. Méga, Bassirou, Blood, Méga d'Orléans, Floden, Brands, Jimmy, Karim, etc., etc. Je sais que j'oublie plein de monde, c'est pas grave, y'a rien. Big up à Oumar d'avoir cru en ce que je faisais. Et voilà, et force pour la suite. Là, c'est le début d'une grosse aventure. Moi, je vous dis, Perestroika, c'est que le début, ok? Ok, comprenez ça bien. Orléans sur Skyrock, mon pote. Dossé la famine. Dossé avec nous entre 20 et 21. Et en effet, le projet qui s'appelle Perestroika et le live à l'instant dans Planète Rap. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette là dans un instant, 41-759 pour les inscriptions. On va finir avec un morceau quand même, Dossé. On va finir avec un petit morceau. Alors attends, tiens. Morceau final. Un seul. Oui, il y a le temps de s'en passer deux. Ah, on va voir. Allez, vas-y. Déjà, mets ton 1. C'est quoi? Mais Pablo. Ah, je mets quel morceau, la famille? Pablo, mais Illuminati. Illuminati, Pablo. Là, tu sais quoi, je crois qu'on va se remettre Pablo. Pablo, on va se remettre Pablo. C'est extrait de Perestroïka. Pablo, extrait de Perestroïka. Pablo. Dans le planète rap de Dossé. Et. Attendez, deux secondes, puisqu'on parle, on parle foot. 1-0 pour le PSG actuellement avec un petit bras. Face à Lorient, soirée footballistique à suivre chez Difool dans quelques minutes. Si. Penalty d'Ibra. Il est blessé ou pas, Ibra? Non, parce qu'il est. Non, ça va, tout va bien. On balance le morceau? Pablo. Allez, Pablo maintenant. Dieu. Le vice me forge, ego. Yes. Je veux ma tête en une du magazine Forbes, ego. Arrogance, audace, haute ambition et force, ego. Trafic, transac, machination de toutes sortes, ego. L'attrait de la grande vie me porte, ego. Le savoir comme arme, l'argent comme clé pour toutes les portes, ego. Je fabrique mon produit, je l'emballe et je l'exporte, ego. Je vais rentrer dans l'histoire de la manière forte, ego. La rue me comprend et me supporte, ego. Elle se reconnaît dans la façon dont je me comporte, ego. Les mains sont sales mais le textile est propre, ego. Foc, flic, indique, juge, proc, ego. Chaque euro compte, chaque euro m'importe, ego. J'ai dit non à la zermie, que le diable l'emporte, ego. La miséricorde du très haut, c'est ce que j'invoque, ego. Je ne suis que le fruit pour être. Tout le monde dans le studio. Ego. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Baisse le marché comme Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Fume mes ennemis comme Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo. Belle suite, les plus bonnes escortes, ego. Jet, villa, gamos, oui, c'est ce que ça m'évoque, ego. Les haineux, jalouses, j'attends trop et complote, ego. Mais c'est tout ce que peuvent faire ces fiottes, ego. Grosse prod gonflée aux prods, ego. J'arrose tous les blocs, ma dope les transporte, ego. Sniff, plus pur et la marchandise, plus haute est ta cote, ego. Yuri fait ses jazz, quoi qu'ils en disent, en piste et ça choque, ego. Grosse pétasse en string qui gère le stock, ego. Grosse bretling, grosse berline, optionnée à bloc, ego. Addiction aux grosses sommes, m'a dit le toc, ego. Mais je ne suis qu'un pauvre homme, chacun sa drogue, ego. Tu finiras seul avec ton oseille, m'a dit cette moche, ego. Mais je vivrai mieux mes peines de cœur au volant d'une Porsche, bitch. Joaillerie sur le torse, bitch. Je dirige mon empire de ma tour d'ivoire tel un fucking boss, ego. Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo. Baisse le marché comme Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo. Fume mes ennemis comme Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo. Orléans, est-ce que vous êtes là? Oh my god. Saran, Bressaint-Jean, les chaises, Salmonerie, Fleury. Ouais, ouais, ouais. 45, mon pote. Vous le mettez Costa, Ketchup, Bombs Lucas. Pablo, à l'instant, c'est extrait de Perez-Jean. Avec Dossé, notre invité, entre 20 et 21. On a le temps si on le passe maintenant, Dossé. On a le temps si on le passe maintenant, le morceau. On finit en beauté avec Bendo, frère. Bendo. Tout simplement. Allez, tout simplement Bendo pour bien ambiancer, pour bien débuter le week-end. Et juste après, on fera tourner la roulette. C'est ça. Voici le morceau Bendo. Deux en blue, paire de Dita sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de ce pull. Mon bigo commence à me faire des faces chelou. Je crois bien qu'il est temps que je change de te pull. Celle-ci m'a pris pour son raclo, ça devient grave relou. On arrache pas de vieille, pas ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de dope, coke, weed, hash, caillou. Toutes sortes de bolos, bob, taureau, noir, robe, pas de jaloux. Je pense cesse, extra quand j'ai pas d'oseille. Je mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Ben. T'es max, cabré. Kaira, laisse ta calmer. Air Max, craqué. Sur bête, poche, c'est le style toute la night. Et j'fais l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bando. Bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Les Zakoum, téléphone du carp là. Steven, t'écoutes ou quoi? Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir c'est tout, mais you vois son de sortie. Bouteille à la bleue, ta gars, même si personne tisse. Grégus, Belvé, Tompé. Insolent et fronté, même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves en schlaguer. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaqué DG, Givenchy et Balenciaga. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es max, cabré. Kaira, laisse ta calmer. Air max, craqué. Sur bête poche, c'est le style toute la night. Et j'fais l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Dans le bendo. Crois pas qu'on joue. Dans le bendo. Si j'traîne toute la night. Et j'fais l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Dans c'est la famille. Joue. DJ Core. Marlitz, mon pote. C'est pratiquement un concert d'Océ en fait. Hein. Bendo à l'instant pour conclure, on le retrouve sur Perestroïka. Bendo, extrait de Perestroïka. C'est dans les bacs, allez le chercher. C'est sur iTunes, c'est dans les bacs. Voilà, 5000 exemplaires. C'est dans les Fnac. Donc, fumez-moi ça, braquez les Fnac, volez-le, faites ce que vous voulez. Non, sortez-moi ça des bacs. Non, je rappelle que c'est mieux de l'acheter, d'Océ. C'est mieux de. Mais je voulais juste dire un petit truc. Prendre légalement un peu partout. Je voulais juste dire un petit truc. Déjà, Mama Sal. Force, la sortie c'est bientôt. Bientôt mon poteau. Et puis justice pour Bounet et Ziad. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ouais, le procès qui a lieu, il y avait les délibérations aujourd'hui. C'est la grosse peine. Voilà. Merci. Et donc voilà, Perestroïka dans les bacs, allez le chercher ou on vient vous chercher chez vous. Merci à toi Dossé pour la semaine. Merci en tout cas, toi, bonne chance pour la suite. On attend Yuri donc. Merci. Et avant, il y aura Summer Crack. Avant l'été, merci à Bassirou d'être passé cette semaine. Merci beaucoup. Attends, on va mieux t'entendre, vas-y. Ouais, merci beaucoup. Voilà, grosse force à Dossé, il mérite. Franchement, c'est un vrai soldat, c'est un vrai charbonneur. En plus, il fait Kekro. Donc voilà, c'est un vrai gars de la street. Il est vrai, tous les gars le connaissent. Et Rock Blood aussi qui est avec moi. Force. Et merci aussi donc à Rock Blood qui était là aussi avec nous. Pas de problème. Donc toi, 2015. Les frères, 2015, à la mixtape qui arrive. On fait un petit documentaire sur la petite street life. Lourd, lourd, lourd. Si, si. Donc on va donner tout ça. Guerre froide. Qui arrive, plein de featuring, il y aura Bassiro, tout ça. Donc ouais. Dossé, donc on va donner ça. Quoi. Et ben merci à vous tous. D'abord la bon merci à tous ceux qui sont passés aussi dans le studio et tous ceux qui ont répondu comme d'hab. Force en nous, force en vous. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Bosca Troïka. C'est le comique numéro 1 de la nouvelle génération. La roulette qui tourne avec Bastien de Compiègne. Salut Bastien. Ça va bien Bastien? Oui, ça va. En pleine forme? Un peu de temps, ouais, impeccable. Eh ben, tu es prêt à faire tourner la roulette, c'est parti, on y va, mon pote. T'as rien, dès que tu veux, tu dis stop. Stop. Ah, énervé, Bastien, hein. Énervé. Bastien, oui. La tournée de Kev Adams, il y a deux places qui t'attendent, c'est pour toi, Bastien. Oh, c'est impeccable. Eh ben, merci à toi. Je remercie toute l'équipe. Passe une bonne soirée. Merci vous aussi, vous êtes top. Ciao, ciao, merci à vous tous. Merci à Dossé qui était là avec nous entre 20 et 21. Merci à tous ceux qui étaient là aussi dans le studio. Merci à Orléans, merci à Saint-Denis, merci à Nanterre. Moulouba, Moulouba Skunk. Ouais, Moulouba Skunk. Gouma Kalash, Ohed. Un Boutas, t'inquiète. C'est un petit lâche. 57, Galoche, joue ma gueule. C'est un mec, joue ma gueule. DJ ma gueule. Dimanche, la marche pour la juste, Ivana. Ivana, la Jeannot. Dis fou, est-ce que tu m'entends? Oui, Fredo. Je faisais un petit lâcher de dédicace. J'ai entendu, je vous fais le lâcher de dédicace. Merci à vous tous. Mais parce qu'on ne comprend rien en fait, oui, faut leur dire. Merci Fredo. Dans les lâchers de dédicaces. Hein. C'est ça. Semaine prochaine, le Planète Rap, c'est avec. Avec Célassou, je pense que ce sera un peu plus calme. Ah, certainement, Célassou, oui. La semaine prochaine, à pas louper. Et à minuit, qu'est-ce qui se passe dans la nocturne, Fredo? C'est la nocturne, tiens, on va rester en province. J'ai envie de faire découvrir le rap de province. Alors, on connaît des villes un petit peu comme Orléans. On le disait avec Roubaix, Tourcoing, avec Gradure. Là, on ira faire un tour à Montluçon avec un rappeur qui s'appelle Lami Tariq qui viendra nous ambiancer et parler du rap en province, justement, dans des villes un peu plus moyennes comme Montluçon. C'est dans la nocturne pour la première heure tout à l'heure. Et bien, on sera là, on loupera pas le rendez-vous. Parfait. Et nous, c'est parti avec celui qui est en concert ce soir avec Skyrock à Paris, Soprano. Eh ben oui, Soprano. Je pensais que vous alliez ouvrir l'émission avec ce magnifique chanteur. Bah évidemment. Cédric, ah bah oui. Il nous a ambiancé sur le titre de Rihanna hier. Ah non, on va pas ouvrir avec Cédric ce soir. On écoutera le nouveau Rihanna là, dans une demi-heure. On se mettra le nouveau son de Rihanna. Mais on va démarrer avec Soprano et Fresh Prince. La version Radio Libre, la version qu'il a fait pour nous, Soprano, magnifique. Ce soir. Exceptionnel même, Fredo. C'est la nôtre. C'est la nôtre. C'est à nous. Bah Fredo, on te donne rendez-vous tout à l'heure à minuit. Jusqu'à minuit, c'est nous. Et on s'occupe bah, de vous. Vous vous occupez de nous aussi. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez dès maintenant. Allez-y, on arrive avec Soprano et Fresh Prince. Le remix, Fred. Yes. Et rendez-vous tout à l'heure. Juste voilà, après la radio libre. Juste après. Nous, on va te chauffer la place, Fred. Bah, comme d'hab, comme chaque vendredi. Ouais. Chauffe-toi aussi. Ah bah, pareil, pas besoin de le dire. Est-ce qu'il est nécessaire de C'est parti pour le chauffage alors. Allez, on y va. Fresh Prince tout de suite. Le remix sur Skyrock, c'est parti. Et on arrive bah, tout de suite. À tout à l'heure, Fredo. Ciao, ciao. Ciao. 1500.